Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire. Aujourd'hui, petit tour en Russie, un pays entre deux mondes au moment où le servage est aboli. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ce matin, amusons-nous avec des homonymies, et mieux encore avec des homophones, des mots qui se prononcent de la même façon. Et amusons-nous aussi avec de la musique, avec une chanson enfantine, une comptine. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. « Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera, lapin, lapin, entre et viens, me serrer la main ». Amusons-nous maintenant à transposer en Russie cette chanson enfantine. Cuisinée à la sauce tsariste, le cerf prend un S mais reste un cerf. On peut aussi dire cerf, alors là ça fonctionne moins bien. La maison, elle, est une datcha réservée au seigneur. Quant au chasseur, il est cosaque et le lapin, il est moudjik, un paysan. Cerf, cerf, ouvre-moi ou le cosaque me tuera. Quel contraste entre le cerf majestueux qui brame dans la forêt et le cerf oppressé dans la Russie des tsars qui chante sa peine. Ça sert aussi à ça, la moujique. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons au travail forcé, au travail sans liberté. Et aujourd'hui, nous partons en Russie, mais dans la Russie des tsars, pour parler du servage et de l'abolition du servage. Nous allons en parler avec vous, Michel Tissier, bonjour. Bonjour, Xavier Mauduit. Vous êtes maître de conférence à l'université Rennes 2 au laboratoire Tempora, ça c'est votre équipe de recherche. Et vous êtes auteur de l'Empire russe en révolution, du tsarisme à l'URSS, c'est aux éditions Armand Collin. Quand on parle de l'abolition du servage en Russie. Nous sommes en 1861. En fait, c'est très récent. Ça donne toujours un sentiment de vertige quand on jette un œil sur la temporalité. Le cerf, le paysan attaché à la terre nous rapporte à notre Moyen-Âge. Pour la Russie, la fin du servage, c'est très récent. Oui, c'est très récent, effectivement, 1861. Après, ce qu'on peut dire, c'est que il n'y a pas qu'en Russie qu'il y avait du servage en Europe jusqu'au 19e siècle. On a d'autres territoires, d'autres régions où un système du même type qu'on appelle servage en Occident existait. Hein. Oui, en Bulgarie, en alors Moldavie, plutôt dans les provinces danubiennes de l'Empire ottoman jusqu'au premier tiers du 19e siècle, mais on en a en Hongrie, on en a dans des territoires de l'Empire d'Autriche, hein, qui sont le domaine des Habsbourg, jusqu'à la révolution de 1848. Donc, vous voyez, c'est pas tellement longtemps avant l'abolition du servage en Russie en 1861. Et pour nous parler du servage et de son abolition en Russie, nous recevons également Vincent Vanoli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de bande dessinée et notamment d'une bande dessinée qui s'appelle Smirniakov. C'est le nom du personnage et là vous vous êtes plongé. Alors nous sommes juste avant l'abolition du servage avec votre bande dessinée. On est dans quelles années à peu près? On est au début des années 1850? Oui, voilà, on est 10 ans avant l'abolition du servage, pendant la guerre de Crimée, exactement. Pendant la guerre de Crimée, il va falloir remettre en place toutes ces notions. Qu'est-ce que le servage? Le contexte de son abolition, nous en parlerons des émissions. Vous savez, le cours de l'histoire peut être réécouté en ligne sur le site franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. À la fin de l'émission, nous retrouverons Anaïs Kien qui arrivera avec sous le bras son journal de l'histoire. Anaïs qui assure la programmation de cette émission, mais pour le moment, nous allons abolir l'esclavage. Oui, nous sommes en 1861, mais nous sommes aussi dans le film Katia de Robert Siodmak en 1959, quand le tsar Alexandre II prend la parole dans le film et dans le cours de l'histoire. Messieurs les délégués de la noblesse, l'heure de la réforme est venue. Nous, empereurs de toutes les Russies, proclamons l'abolition du servage. Et accordons aujourd'hui la liberté personnelle à 49 millions de nos sujets. Je le veux, je l'exige, je l'ordonne. Vive les hommes ! Le Michel Tissier. Pour bien comprendre la portée de l'abolition du servage, il faut comprendre ce qu'est le servage. Quel est ce système qui perdure, je vais utiliser ce mot, en Russie? Oui, alors vous avez à l'instant fait ce qu'on peut appeler un lapsus, vous avez dit esclavage. En parlant d'abolition de l'esclavage, mais je crois qu'on peut dire que c'est pas un lapsus en réalité, parce que pour la population qui est concernée, des paysans, eh bien c'est une sorte d'esclavage. C'est compris comme ça au milieu du 19e siècle, hein, dans l'Empire de Russie, par la population qui est concernée et aussi par la population qui bénéficie de cette situation, ou une bonne partie de cette population, c'est-à-dire la noblesse. Donc en fait, ce qu'on appelle le servage, le terme n'existe pas en russe comme ça. Hein. C'est une traduction, c'est une façon de désigner un système qui est une relation. C'est la relation entre ce qu'on pourrait appeler des maîtres, qui sont des propriétaires fonciers, qui ont des domaines, et la population qui habite ces domaines et qui travaille sur ces domaines. Et cette population, on l'appelle une population paysanne parce que c'est son statut juridique. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon les endroits de l'Empire, cette population ne travaille pas toujours la terre de façon égale. En fait, on a des endroits. D'abord, on a des endroits dans l'Empire où il n'y a pas de servage, ça n'existe pas. Donc cette relation n'existe pas. Et puis il y a d'autres endroits dans l'Empire où il y a des domaines qui sont aux mains de propriétaires fonciers, donc qui ont un statut noble, et qui ont des gens qui leur appartiennent et qui travaillent sur leur domaine. Mais certains sont leurs domestiques, ils ne travaillent pas la terre du tout. Et d'autres sont aussi des gens qui font un travail artisanal, ou même qu'ils envoient travailler dans des usines. Et ça rapporte au maître. Voilà. C'est vrai que dans la mise en place d'une structure aussi complexe que le servage en Russie, vous l'avez souligné, Michel Tissier, il faut regarder les lieux, ce n'est pas partout pareil. Et puis il faut regarder le statut des gens. Nous avons souvent l'image toute simple du paysan qui travaille sa terre. Pour ce paysan-là, qui est le serf de son maître, quelles sont les contraintes en fait? Il ne peut pas partir, c'est ça? Voilà, c'est ça. La première contrainte, on va dire, qui s'est formée historiquement, c'est celle qui a consisté à obliger en fait des paysans qui sont de chez eux. Je veux dire qu'ils sont originaires de cette terre depuis des générations dans les régions où ils se trouvent. Donc c'est l'évolution, si vous voulez, qui a consisté à fixer ces paysans sur les domaines appartenant à tel propriétaire et à faire en sorte, si vous voulez, que ces domaines puissent changer de main, hein, mais lorsqu'ils changent de main, ils changent de main avec la population qui les peuple et qui travaille sur ces domaines. Donc ce sont ce qu'on appelle des domaines peuplés. Donc c'est en fait à l'origine un attachement à la terre. Parce que il y avait une paysannerie qui, à l'époque qu'on appelle l'époque de la Moscovie, donc jusqu'au XVIIe siècle, avait des statuts en réalité extrêmement variés, hein, donc des capacités ou des droits, on peut appeler ça comme ça, aussi extrêmement variés. Et en réalité, ce qui s'est passé entre, disons, la fin du XVIe siècle et le début du XVIIIe siècle, c'est un processus qui a considérablement simplifié le paysage social de ces campagnes, a homogénéisé la condition de ces populations et a fait en sorte que, eh bien, ces paysans n'aient plus la capacité de partir d'un domaine pour aller vers un autre, ce qui, à une époque, en tout cas pour une bonne partie de cette paysannerie, était une possibilité, hein, encore jusqu'au XVIIe siècle. J'imagine qu'il y a de la part des dominants un discours, comme un échange qui est toujours fait. Le discours, c'est quoi? C'est de dire « nous vous accordons la protection » Alors, vous avez parfaitement raison, il y a un discours, on pourrait dire il y en a plusieurs, parce que ça évolue aussi avec le temps. Disons que les justifications, on peut appeler ça comme ça, hein, ce sont des justifications de cette relation qui place une population dans l'indépendance de maître et qui les contraint, fait en sorte que voilà, ils ne peuvent plus partir, par exemple. Il y en a bien d'autres, hein, des contraintes, mais celle-là, c'est la première. Initialement, c'est une relation qui existait entre le souverain, le tsar, à la fin du XVIe et au XVIIe siècle, et sa noblesse, qui est une noblesse qui fournit le service militaire, notamment, au tsar. Et ça, ça a été, si vous voulez, d'abord un moyen de récompenser les serviteurs du tsar, ces nobles qui combattaient pour lui, en leur attribuant des domaines avec une population. Et face à un certain nombre de pressions que ces nobles pouvaient exercer, eh bien, les tsars, donc ça se fait à partir d'Ivan le Terrible, disons, et puis la période de Boris Godounov au tournant du XVIe et du XVIIe siècle est importante pour ça. Et ensuite, ça continue au XVIIe tout au long du XVIIe siècle, les tsars, en fait, vont durcir le régime et la condition, en fait, de cette population en prenant des sanctions lorsque cette population fuyait. N'était pas content, les paysans n'étaient pas contents d'un maître, alors ils allaient voir ailleurs. Et les nobles, que faisaient-ils? Eh ben, ils cherchaient à faire revenir cette population, et donc ils exigeaient, des mesures étaient prises. Et par exemple, la question des délais pour ça est importante. Les fuyards, au bout d'un moment, on allait oublier leur affaire. Et puis, ce qui pouvait se passer, c'était que, on allongeait les délais durant lesquels on pouvait aller les rechercher. Voilà, ça c'est un des moyens qui a été utilisé. Et donc, il s'agissait de dire, nous servons le tsar, nous lui rendons service, nous combattons pour lui, on mérite ça. Plus tard, il y a eu d'autres justifications. Mais ces justifications étaient toujours liées aussi à la prospérité du pays. Enfin, il faut faire vivre le pays, il faut cultiver la terre. Tout à fait. Alors, il faut cultiver la terre, mais ça, on peut dire que, je veux dire que les paysans étaient là avant. Ils étaient toujours là. Il y a cette fonction-là et ce besoin-là était déjà pris en charge. Donc, on va dire que c'est leur fonction nourricière qui leur est attribuée dans le discours, dans le langage et qui va être valorisée par exemple par l'Église qui encadre la population localement. C'est aussi l'histoire, en fait c'est une triangulation, c'est une relation triangulaire entre le souverain, d'abord le tsar, et puis à partir de Pierre le Grand, il prend le titre d'empereur. Et puis, donc, cette noblesse qui a des domaines fonciers qui sont peuplés et qui sert le tsar, et la population qui est sur ces domaines. Et en réalité, il y a comme, c'est une sorte de fiction parfois, parce qu'on peut pas dire il y a un moment où ça a été défini comme ça, mais en gros, la justification principale consistait à dire le tsar, la noblesse sert le tsar. D'accord. En récompense, elle reçoit les domaines peuplés. Vous venez d'utiliser le mot, Michel Tissier, de fiction. C'est une fiction, c'est un discours qui nous plaît pour comprendre les éléments de cette triangulation entre le souverain, sa noblesse et puis ce monde paysan, pour simplifier, mais il n'est pas seulement paysan. Et bien justement, vu qu'on évoque la fiction, il y a sans cesse du servage dans la fiction, dans le monde russe, obligatoirement, vu que c'est une évidence. Exemple avec Les âmes mortes, le roman de Nicolas Gogol, paru en 1842, un extrait qui nous est lu dans les archives de la radio française en 1947. Je voudrais te demander un service. Lequel? Jure-moi que tu ne refuseras pas. Ah, mais quel service? Jure d'abord. Soit. Parole d'honneur? Ah, parole d'honneur, si ça te fait plaisir. Eh bien, voici. Tes paysans morts figurent sur la liste de recensement, n'est-ce pas? Oui, alors? Donne-les-moi. Qu'en feras-tu? Ça me regarde. Non, je veux savoir. Bah, j'en ai besoin. Oh, pour quelle machination, hein? Je ne machine en rien, rassure-toi. Que pourrais-je faire avec deux hommes morts? Eh bien, pourquoi en as-tu besoin, alors? Tu es trop curieux. Tu n'auras rien si tu ne m'expliques pas. Ah, eh bien, c'est pour acquérir du poids dans le monde. Tu mens, là. Admettons. Dis la vérité ou tu n'auras rien. Tu Il gardera le secret pour toi, hein? Je suis aussi discret que je suis joueur. Alors... Figure-toi que je veux me marier. Oh. Oui, mais les parents de ma fiancée sont gourmands. Ils exigent de moi 300 armes. Oh. Ah, tu mens, alors... tu mens. Pas cette fois. Je parie ma tête que tu mens. Pour qui me prends-tu à la fin? Pour un rude coquin. Pour un rude coquin, c'est un extrait des âmes mortes de Nicolas Gogol, un roman de 1842. Et dans le cours de l'histoire sur France Culture, aujourd'hui, nous nous intéressons au servage en Russie. Et dans le roman de Gogol, nous sentons bien que posséder des serfs est signe de puissance. Alors Gogol est un romancier, donc il s'en amuse. Et le personnage achète des serfs morts, des âmes mortes pour, de manière fictive, enrichir sa puissance. Mais le servage a également une utilité pour les dominants, c'est montrer qu'ils sont puissants. Parfaitement. En plus, on est à une période, là, on a sauté dans le temps par rapport à ce que j'évoquais précédemment. On est dans une période, donc, les années 1830-1840, où la noblesse, elle reste la catégorie des dominants, ceux qui ont le premier rôle dans la société auprès de l'empereur. Mais son mode de vie et son rôle dans la société a un peu évolué. C'est-à-dire que je parlais de la nécessité du service de l'État, du souverain. Et ça, c'était une obligation au début du XVIIIe siècle avec Pierre le Grand. Et ça a cessé de l'être. Donc, alors, bien sûr, la noblesse, elle continue à servir. En réalité, les carrières se font au service de l'empereur, sur les champs de bataille et dans l'administration. Bien entendu, il y a autre chose que les nobles sont censés, en réalité, incarner. C'est, d'une certaine façon... la contribution à la prospérité du pays par le travail sur les domaines, travail agricole ou pas, hein, ça peut être du travail manufacturier, artisanal, etc. Et puis c'est l'encadrement, le rôle auprès de cette population paysanne qui est des millions de personnes. Alors c'est pas 42 millions comme on le disait dans le film qui sont affranchis en 1861, c'est moitié moins en fait. Le 42 film, millions Katia, voilà. De Robert Siodmak. Voilà. Et donc les nobles ils sont en fait l'armature du régime dans cette immense territoire. Alors, le motif des âmes mortes, c'est un motif qui est très très lié en fait au problème qui est celui de l'administration de ce territoire et cette population. Parce que pourquoi il va acheter des âmes mortes en réalité ? Il est question du recensement, vous l'avez dit tout à l'heure. En réalité, l'État a besoin de savoir combien de paysans il y a sur les domaines parce que c'est une base fiscale. Et donc il faut compter les âmes, hein. Il y a un impôt qui depuis Pierre le Grand est la capitation, donc c'est un impôt qui est prélevé sur ce qu'on appelle une âme, c'est-à-dire en fait le chef du foyer. Simplement il faut actualiser la connaissance du nombre de ces âmes et on fait des recensements réguliers. Mais simplement, on ne les fait pas tous les ans. C'est extrêmement compliqué. Et donc, dans l'intervalle, eh bien, il y a des âmes qui sont comptabilisées mais qui ne sont plus là en réalité. Et donc, ça donne une possibilité pour manipuler les comptes et se faire de l'argent, comme on le voit ici, au sein d'une noblesse qui est elle-même très stratifiée. Il y a des nobles, il y a des familles aristocratiques qui ont des domaines très peuplés et qui sont extrêmement riches. Mais l'immense majorité de la noblesse est on pourrait appeler ça une petite noblesse, si vous voulez, qui a des domaines très peu peuplés avec moins de 30 âmes. Alors, dans le cours de l'histoire aujourd'hui, nous voulons comprendre pourquoi en 1861, en Russie, le tsar abolit l'esclavage. 1861, c'est un moment, un événement, c'est un temps court. Michel Tissier, vous nous avez replacé l'histoire de l'esclavage là sur un temps long. Nous sommes revenus au XVIe siècle et c'était nécessaire pour comprendre la mise en place de ce système avec un tsar, sa noblesse, le peuple. Si nous réduisons un peu le focus, si nous regardons le contexte de ces années 1850-1860, là aussi nous allons trouver des éléments qui vont nous permettre d'expliquer pourquoi le tsar décide d'abolir le servage. Ce sont des années majeures pour la Russie. Mmh. C'est la guerre de Crimée, les années 1850, elle prend fin en 1856, cette guerre de Crimée. La guerre de Crimée, donc, qui oppose la Russie aux alliés occidentaux et notamment la France. Mmh. En quoi cette guerre peut expliquer l'abolition du servage ? Alors, cette guerre, on peut la prendre, si vous voulez, comme un élément de conjoncture qui est vraiment décisif, effectivement, dans la dynamique qui conduit à l'abolition du servage esclavage. Donc, moi, j'utilise les deux termes, en fait, pour bien dire que on est dans un contexte où vraiment cette relation, elle est remise en cause parce que elle est dénoncée par la paysannerie qui en est victime, mais elle est aussi un objet d'image pour la Russie, hein, au milieu du 19e siècle, dans un contexte européen et on pourrait même dire mondial, hein, dans lequel les formes de servitude qui existent sont remises en cause, et dans un contexte dans lequel cette relation qui existe dans l'Empire russe est mise en regard d'autres formes de servitude et de dépendance qui existent et qui concernent le monde atlantique en particulier, mais pas seulement, qui concernent aussi l'Empire ottoman, et c'est plus couramment ce qu'on appelle l'esclavage, donc dans l'acception qu'on connaît la mieux. Et véritablement, au milieu du 19e siècle, alors que l'abolition de l'esclavage dans le monde atlantique est un processus qui est engagé, que la dénonciation de la servitude, donc sous différentes formes, elle se diffuse beaucoup. La Russie a été engagée dans cette guerre, la guerre de Crimée, qu'elle a perdue et qui a remis en cause, en réalité, sa position stratégique et son statut de puissance en Europe au milieu du 19e siècle. Si je comprends bien, donc, il y a un contexte lié aux idées, au champ politique. Alors, l'abolition de l'esclavage, c'est 1848 pour la France, mais on peut évoquer ces années 1860, c'est la guerre de sécession aux États-Unis, où la question de l'esclavage est vraiment au cœur du problème. Et puis après, il y a un contexte géostratégique où la Russie vient de perdre. Elle voulait s'étendre un peu vers le sud lors de la guerre de Crimée. Oups, elle a loupé. Et donc, il y a ces deux éléments qui entrent en confrontation, mais en quoi l'abolition de l'esclavage peut permettre, et alors là vous allez me répondre, mais moi j'ai une idée parce que je vous ai lu Michel Tissier, en quoi cela peut permettre au tsar ou à sa noblesse de sortir la tête haute? En quoi l'abolition de l'esclavage peut être utile pour la Russie dans ces années 1860? Alors, je pense que il y a vraiment une question de statut, voilà, de l'État et d'organisation de cet État. La Russie vient de subir une défaite dans un conflit dont son adversaire était l'Empire ottoman. Et ça, c'est très important. C'est pas n'importe quel adversaire, parce que la Russie, à l'est de l'Europe et du bassin méditerranéen, elle est engagée dans une concurrence déjà séculaire avec l'Empire ottoman. Donc la Turquie actuelle, pour simplifier. Et s'affirme face à cet Empire ottoman comme une puissance à la fois protectrice des populations européennes chrétiennes qui sont dans l'Empire ottoman, et aussi comme une puissance civilisatrice. Hein. Alors, évidemment, ce qui est paradoxal, c'est que dans la guerre de Crimée, les puissances occidentales qui aident l'Empire ottoman, c'est le Royaume-Uni et la France, qui sont toutes les deux des puissances abolitionnistes de l'esclavage et qui viennent soutenir l'Empire ottoman où un esclavage existe, contre la Russie où le servage existe. Voilà, donc en réalité, on pourrait dire que c'est un jeu à somme nulle, sauf que la Russie, de sa défaite, retient qu'elle n'a plus la puissance qu'elle pensait avoir depuis la fin des guerres napoléoniennes et la place qu'elle avait assumée depuis le congrès de Vienne en 1815. Ça, c'est la première chose. Elle a été confrontée à des difficultés d'organisation très très fortes dans cette guerre. Et elle se rend compte que ses structures, son organisation interne, perpétue en fait une infériorité, on va dire, face aux puissances occidentales qui viennent de la vaincre dans la guerre de Crimée. La Russie est vaincue en 1856 lors de la guerre de Crimée. Partout dans le monde, l'esclavage est remis en question. Voilà la situation en 1860. Et en 1860, en Russie, une chanson était fredonnée par les moujiks et sans doute au-delà des moujiks. Cette chanson, nous la connaissons très bien encore aujourd'hui. C'est Kalinka, qui est chantée, en l'occurrence maintenant, dans le cours de l'histoire sur France Culture, par Ivan Rebrov. Chanté par Ivan Rebrov dans le cours de l'histoire. Une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Alex Dang. Et dans le cours de l'histoire sur France Culture aujourd'hui, nous essayons de comprendre ce moment 1861 en Russie, l'abolition du servage. Nous avons bien compris ce temps long où il y a trois acteurs majeurs, le souverain, le tsar, l'empereur d'un côté, la noblesse de l'autre et le peuple. Qui est responsable, Michel Tissier, de l'abolition de l'esclavage? Est-ce que c'est un mouvement qui vient du bas, du peuple? Est-ce un mouvement de la noblesse? On en doute. Et est-ce un mouvement du tsar? Il est convenu de dire que ça part du haut. Ça vient du tsar lui-même. Il y a une phrase très célèbre. Ça renvoie à l'extrait dans le film tout à l'heure, on entend le tsar ou l'empereur qui, je crois, s'adresse aux délégués de la noblesse. Donc le processus qui a conduit à l'abolition du servage, enfin qui le processus court après la défaite dans la guerre de Crimée et l'abolition en 1861, a impliqué la noblesse, c'est-à-dire que l'empereur a voulu prendre la vie de sa noblesse qui était directement concernée. Il n'a pas pris la vie des paysans. Les paysans, on ne les a pas consultés dans le processus, d'accord ? Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est une donnée fondamentale de cette relation triangulaire que je décrivais. Donc, la noblesse, elle a participé d'une certaine façon, jusqu'à un certain point, mais au dernier moment, c'est le tsar qui a décidé, avec son entourage propre, qu'il est convenu d'appeler une bureaucratie éclairé. Il y a pas mal d'historiens qui ont travaillé sur ces bureaucrates, donc ces administrateurs proches du tsar, dont une bonne partie était convaincue, voilà, que la transformation de l'empire était nécessaire sur la base de cette abolition du servage, même si eux personnellement pouvaient avoir des intérêts, posséder des domaines et donc être concernés également. Vincent Valloni, vous êtes avec nous aujourd'hui avec votre album Simirniakov, qui est le nom du personnage. C'est un album, une bande dessinée, qui évoque ce moment, le juste avant l'abolition du servage. Pourquoi avoir choisi déjà cet univers-là? Mais on peut le comprendre, c'est un univers incroyable. On est dans la Russie avant l'abolition du servage. Pourquoi vous êtes arrêté? Vous êtes-vous arrêté juste avant le moment de l'abolition? C'était pour vous plonger dans ce monde, alors des serfs et pas seulement, parce qu'il n'y a pas que, dans cet univers extrêmement complexe, qui nous semble un peu exotique aujourd'hui, mais que l'on comprend complètement, c'était aux portes de l'Europe, ou même juste en Europe, il n'y a pas si longtemps, en 1861. Pourquoi cet univers-là? Moi, je voulais faire une chronique sociale, en fait. Donc, parler d'un personnage, un propriétaire qui était un petit peu dépassé par les événements. Et donc, le problème de l'abolition du servage, je l'ai utilisé à l'échelle du microcosme d'un domaine et d'un village. Donc, l'abolition du servage, c'était aussi ma manière pour aborder le problème de l'organisation du travail. Parce qu'à partir du moment où les serfs ont été libres, je pense que les dominants de l'époque ont voulu garder le contrôle. Et donc, je voulais voir au niveau de ce village et de ce domaine comment allait réagir Simirniakov par rapport à ça. Alors, le pauvre, accessoirement, il doit aussi s'occuper de l'éducation de son fils, il doit marier ses filles, il doit garder la tête haute et préserver les apparences vis-à-vis de sa femme qui doit partir en voyage d'agrément en Europe, comme c'était le cas à l'époque. Il est proche du surmenage et il rêve que d'une chose, c'est de revenir dans une cabane de son enfance, dans la steppe, un endroit un peu préservé qui est un petit peu la parabole de son territoire secret. Et au fond de lui, il est paresseux. Il est paresseux et je voulais montrer en fait un certain rapport avec la population des serfs paresseuses. Mais c'est pas la même paresse. C'est pas la même paresse, parce que Simirniakov, il est paresseux parce que devant son incompréhension de plus en plus grande de l'époque, il est propriétaire, il est seigneur par atavisme depuis des générations, sans jamais se poser la question du pourquoi, du comment. Et là, l'époque, l'histoire le rattrape et le force à se poser la question, mais où vais-je, qui suis-je, moi, propriétaire, dans cette Russie qui est en train de changer. Et pour les serfs? Et pour les serfs, cette paresse, elle n'est pas du tout la même. C'est une paresse d'apparence, parce qu'en fait, ils travaillaient tout le temps, ils étaient épuisés, ils étaient misérables, ils mouraient de maladies, j'imagine. Mais cette paresse, en fait, c'est la paresse apparente de tous les petits, de tous les gens de peu qui travaillent, qui se font exploiter à toutes les époques. Et c'est une espèce d'antidote contre l'idéologie des dominants, de paraître paresseux, de paraître voilà, d'accepter en fait le paternalisme du patron et en arrière-plan ne pas être dupe. Et justement, dans votre album, Vincent Valloni, il y a la réflexion chez les serfs d'une vraiment très lointaine possibilité de s'affranchir de l'autorité du maître. On le sent, hein, qu'il y a ces discussions-là, mais, et c'est ça qui est intéressant et qui fait écho à ce qui nous pose problème aujourd'hui, l'abolition du servage en Russie, la question est celle du après. Et oui, une fois que le cerf est libéré de son maître, que va-t-il se passer? Henri Troya, l'écrivain Henri Troya, en parlait en 1968 dans Interactualité, au moment de la parution de son roman Le Cahier. C'était le premier tome des Héritiers de l'Avenir. Et il évoquait justement ce questionnement, mais que faire après l'abolition du servage? J'ai voulu dans ce roman évoquer cette époque extrêmement intéressante, extrêmement riche au point de vue psychologique et qui n'a pas été étudiée à fond, à mon avis, même en Russie soviétique. Cette époque où, brusquement, 22 millions d'individus, c'est-à-dire un Russe sur trois, se sont trouvés devant le problème d'être libres. Des gens qui, depuis des siècles, étaient habitués à ce que quelqu'un les commandât et s'occupât de tout pour eux, se sont trouvés tout à coup avec cette promesse je dirais presque inquiétante, car il espérait cette liberté, et en même temps il la craignait un peu. Vincent Vanoli, c'est aussi les questionnements de ces serfs, de ces paysans. Pourquoi être libre? Oh bah oui, la liberté c'est formidable, mais que va-t-on faire? Au moins, il y avait toujours cette figure un peu paternelle du maître qui rassurait en fait. Et vous jouez beaucoup dans votre roman graphique, je sais pas si c'est le mot, c'est une bande dessinée, c'est sublime, c'est extrêmement bien amené pour nous conduire dans cet univers particulier qui est ce monde slave où il y a de la folie, on sent bien, où il y a un peu comme un conte russe, un peu de surnaturel qui surgit. Il y a cette incertitude, il y a ce doute et on s'attache un peu à ce maître qui est dépassé, on s'attache aussi aux paysans. Ce n'est pas une lecture extrêmement figée comme on pourrait faire une lecture très dure, peut-être dans une historiographie marxiste du cerf qui est esclave de son maître et qui se révolte. Vous, c'est beaucoup plus en nuance. C'est plus en nuance. Je voulais pas de personnages monolithiques. Et effectivement, on s'attache beaucoup au personnage principal, au propriétaire, qui est plein de faiblesses. Et on voit bien aussi qu'il est attaché à ses serfs, qu'humainement, il a de la valeur. Je me suis attaché aussi à la figure de l'intendant, au Boyevski, lui aussi, j'aurais pu en faire un personnage vraiment technocratique, méchant. Parce que Boyevski, il pense au contrôle des moudjiks par le travail, par l'idée du travail. Donc il met en place une idéologie qui est complètement anachronique pour le coup par rapport à l'époque où ça se passe. C'est une idéologie de management moderne. Donc même lui, je l'ai pas fait très méchant parce que il est en fait très fidèle à son maître et il est célibataire. On pense qu'il pense qu'au travail tout le temps, à organiser les choses. Et je voulais pas le rendre méchant. Les moudjiks, je voulais pas non plus les faire misérabilistes. Je voulais pas qu'on ait trop de compassion pour eux. Je voulais qu'ils représentent un corps social uni. En fait, c'est un personnage du livre. Il y a plusieurs personnages du côté de la noblesse, enfin de l'aristocratie de ce village. Mais il y a un personnage en face, c'est tout ce peuple qui est uni. Le seul moment où ils sont pas unis, c'est quand ils font cette espèce de réunion politique à la fin du livre. Et là, j'ai aimé montrer les dissensions, les doutes, ce chaos provoqué par l'idée effectivement que ça y est, on va être libre. Et qu'est-ce que ça va provoquer chez nous? Alors, en discutant un petit peu avant l'émission. Tu disais que c'était complètement improbable ce genre de discussion parce que de débat politique parce qu'en fait ils voulaient tous franchement la liberté. Mais moi ce que j'aime dans les réunions politiques, les réunions syndicales, c'est le moment où tout le monde hésite, tout le monde se bat, où il y a des dissensions, où il y a des gens qui essayent de s'attirer les votes des autres, où on hésite parce que on ne sait pas, ça c'est vraiment très intéressant, je trouve que c'est la place du débat, c'est cet échange d'idées. Et à la fin, on vote et on dit qu'on est pour ou contre. Alors ça, c'est l'issue de tous les débats, mais moi je me suis servi du moment d'avant pour en faire aussi une scène humoristique parce qu'il y a des personnages qui arrivent déguisés pour pas qu'on les reconnaisse il y en a un qui s'est juste rasé la barbe mais tout le monde le prend pour un autre. Mais c'est vrai que vous avez cette liberté, vous, en tant qu'artiste en plus, de mettre de l'humour et vous n'êtes pas tenu à la rigueur historique parce que ce n'est pas le but. Et c'est vrai que quand on a une flèche en bas d'une page qui dit vers le destin et la page suivante, ça passe tout seul. Mais cette évocation conduit le lecteur vers un univers, celui du monde de la Russie des années 1850-1860. Et vous, Michel Tissier, historien, quand on regarde cet univers-là, c'est vrai qu'on se pose tout de suite la question. Le tsar, en 1861, abolit le servage. Quelles conséquences? Alors, quelles conséquences déjà pour la noblesse? Ça râle, j'imagine. Oui. Est-ce qu'on peut râler face au tsar? C'est la question. effectivement, on se soumet. Il y a des voies pour. Il y a des voies avant la prise de décision, enfin avant la décision elle-même, pour faire savoir à l'empereur que telle possibilité de réforme est préférable à telle autre. Mais comme je disais tout à l'heure, en dernier ressort, c'est le tsar qui a pris la décision. Simplement, après l'abolition du servage, il y a aussi les conséquences, bien sûr, et puis il y a les perspectives. Et sur la question des perspectives, puisque la question ici porte sur la noblesse, il y a des divisions dans la noblesse. Il y a une partie de la noblesse, très minoritaire, mais qui cherche à s'exprimer le temps qu'elle le peut, qui voudrait aller plus loin, faire en sorte que ces réformes qui ont été engagées par Alexandre II débouchent aussi sur des transformations politiques, institutionnelles, proprement dites, hein, et en particulier sur la possibilité d'introduire un système représentatif à l'échelle de l'ensemble de l'Empire. Et ça, c'est quelque chose qu'Alexandre II refuse. Et ça reste une question pour les décennies qui suivent. Est-ce qu'on pourrait dire, pour vraiment simplifier, que la volonté d'Alexandre II, du tsar, d'abolir l'esclavage, est perçue comme un message envoyé à l'extérieur de la Russie plus qu'à l'intérieur? C'est-à-dire que, évidemment, il y a un chaos intérieur, hein, ça change complètement la donne, mais le tsar ne veut pas aller plus loin. Alors, c'est sûr qu'il ne veut pas aller plus loin en termes de réforme de structure politique, ça oui. Est-ce que c'est... c'est quand même une réforme d'une ampleur considérable et qui embraye sur d'autres réformes qu'on va pas détailler, mais qui concernent l'armée, le recrutement, qui concernent la justice, la fiscalité, etc. Donc il y a quand même tout un ensemble, c'est tout un train de réformes qui concerne les Russes et la population de l'Empire au premier chef. Donc, bien sûr, il y a une projection vers l'extérieur, mais la nécessité de maintenir l'ordre et la stabilité est très importante pour le tsar, bien entendu. Donc, c'est une réforme pour la population, malgré tout. Le but est de transformer la Russie pour lui permettre de garder son, ou de retrouver le statut que les dirigeants russes veulent lui voir avoir en Europe et plus loin même. Et réaction du peuple, donc le peuple lui. Alors le peuple, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit aussi dans l'extrait d'Henri Troya et puis ce que Vincent disait. Je suis tout à fait frappé effectivement dans son travail par cette idée de présenter la communauté paysanne. Et tu as dit que c'était un personnage unique Le peuple comme personnage. Alors ça, c'est... ça renvoie à toute une histoire littéraire, artistique et puis intellectuelle, parce que effectivement, dans la perception des élites russes, à la fin du 19e siècle, des écrivains, c'est très fort, cette idée que le peuple est une masse en soi, une masse extrêmement difficile à bouger, une masse éventuellement paresseuse. Ça fait partie, comme tu disais, ça fait partie des descriptions qui sont extrêmement courantes, hein, indociles et qu'il faut diriger. Donc, il y a toute cette idée-là qui est extrêmement importante. Après, il faut quand même envisager cette communauté comme un tout qui a son mode de vie propre et qui fonctionne depuis des générations. Et ça, ça perdure. Et ça, ça perdure. Et il y a toujours cette idée que nous nous trouvons en Russie, et parmi les clichés, et même qui sont encore présents aujourd'hui, c'est un peuple qui a besoin d'autorité. Mais ça, c'est souvent les gens du dessus, les dominants, qui imposent cette idée-là. Et puis, pour vous, Vincent Vanoli, quand vous vous intéressez à cet univers de la Russie, il y a un plaisir, c'est de travailler sur ce monde extraordinaire, ce monde qui était chanté par Boris Vian, là en l'occurrence on l'entend par Jacques Higelin, c'est l'âme slave. L'air slave, j'ai l'air slave, et ça me poursuit depuis tellement longtemps que je suis devenu slave malgré moi et sans m'en apercevoir. L'âme slave. Est-ce que cet univers de la Russie de ces années 1850-1860 permet une vraie liberté? Parce que nous avons des personnages extraordinaires. Il y a ces ermites, enfin les starets, les Rasputin. Il y a des personnages, pour vous, créateurs de bande dessinée, personnages extraordinaires. Oui, exactement. Ça grouille de baroque, de merveilleux, de fantastique.

Pour contribuer au débat démocratique, ce numéro des mélanges de la Casa Velázquez est d'ores et déjà accessible en ligne avec les vidéos dont vous venez d'entendre quelques extraits. Chouette. Eh bien, tous les liens sont à retrouver avec les informations sur la page de Journal de l'Histoire, c'est sur franceculture.fr ou bien sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Dans notre réflexion aujourd'hui pour comprendre pourquoi en 1861 le tsar a aboli l'esclavage en Russie, nous venons d'entendre avec Anaïs les échos de l'histoire à l'actualité. Est-ce que ce souvenir du servage est encore présent aujourd'hui, Michel Tessier, dans la Russie de Poutine ? Merci de cette question que je trouve très importante. Parce que on trouve dans la Russie d'aujourd'hui certains discours qui peuvent venir de très haut, qui montrent une certaine une forme de nostalgie, si vous voulez, pour la Russie avant l'abolition du servage, considérant que cette relation qui avait pu exister et que dont j'ai présenté certains éléments entre les maîtres et leurs gens, leurs paysans, était d'une certaine façon constitutive de la nation. Alors c'est un discours minoritaire, hein, heureusement, et surtout c'est pas un discours heureusement trop répandu chez les historiens. Mais dans la classe politique, c'est des propos qu'on peut entendre. Alors il y a une autre façon parfois qui de si vous voulez d'un peu oblitérer la relation de domination qui s'exerçait et de dépendance finalement qui était mal vécue par la paysannerie en considérant si vous voulez que ce qui a suivi l'expansion industrielle, la transformation de la Russie et puis les dynamiques, si vous voulez, qui ont conduit aux révolutions ont été aussi très dommageables, finalement. Et donc, considérer que un autre type d'évolution aurait dû être fait, par exemple. Voilà, donc c'est les questionnements du moment, comme quoi étudier le servage en Russie et son abolition en 1861 parle aujourd'hui encore. Merci beaucoup, Michel Tissier. Et donc, on peut vous lire hein, sur le tsarisme, du tsarisme à l'URSS. Et puis, vous, Vincent Vanoli, vous êtes également sur des questions de domination et de que faire de la liberté une fois qu'on l'a obtenue. Merci à vous deux pour tout ce que vous nous avez dit sur ce monde, paraît-il un peu exotique et lointain, l'ère slave, et qui pourtant est très présent dans nos questionnements. C'était Le Cours de l'Histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudes, Camille André et Alice Rouet. Des émissions qui peuvent être réécoutées en podcast ou en ligne sur le site franceculture.fr, Le Cours de l'Histoire, ou alors vous nous rejoignez sur le groupe Facebook, Le Cours de l'Histoire. Demain, le destin d'un abolitionniste au siècle de lumière, un personnage étonnant, Benjamin Lay. C'est Marcus Rediker, historien à Pittsburgh, qui vient nous en parler. Demain, un abolitionniste incroyable, je vous assure.